Chapitre 28. Comment Kriemhild reçut Hagen. Quand les Burgondes arrivèrent dans le pays, le vieil Hildebrand de Vérone l'apprit et il dit à son maître qu'il en avait souci. Il le pria de bien recevoir les chevaliers adroits et vaillants. Wolfhart, l'agile, fit amener les chevaux. Maints forts guerriers chevauchèrent avec Dietrich dans la plaine où ils voulaient saluer les étrangers. On avait dressé en cet endroit maintes belles tentes. Quand Hagen les vit s'avancer de loin, il dit très courtoisement à ses maîtres « Maintenant, guerriers rapides, descendez de vos coursiers et allez à la rencontre de ceux qui veulent vous recevoir. Voici venir une troupe qui m'est bien connue. Ce sont les guerriers très agiles de l'Amelungenland. L'homme de Vérone les conduit. Ils portent l'âme très haute. Ne dédaignez nul des hommages qu'on vous rendra. » Descendus de cheval, maints chevaliers et varlets se tenaient à côté de Dietrich, et c'était à bon droit. Ils s'avancèrent vers les étrangers jusqu'au lieu où ces héros s'étaient arrêtés et saluèrent avec affabilité ceux du pays Burgonde. Vous désirez sans doute ouïr ce que le chef dit au fils d'Ouot quand il les vit venir ainsi à sa rencontre. Ce voyage l'affligeait et il s'imaginait que Rudiger le savait et le leur avait dit. « Soyez les bienvenus, seigneur Gunther et Giselher, Gernot et Hagen, et vous aussi, Volker et Dankwart le rapide. Ne savez-vous pas que Kriemhild pleure encore toujours le héros du Nibelungenland ?»« Elle peut pleurer longtemps, » dit alors Hagen. « Il y a maintes années qu'il est tombé, frappé à mort. Elle doit chérir maintenant le roi des Jonen. Siegfried ne reviendra plus. Il y a longtemps qu'il est mis en terre. Laissons là maintenant les blessures de Siegfried. » Aussi longtemps que dame Kriemhild vivra, de grands malheurs sont à craindre. Ainsi parla Dietrich, le seigneur de Vérone. C'est pourquoi prenez garde à vous, soutien des Nibelungen. Comment me garderai-je ? Dit le noble roi. Hetzel nous a expédié des messagers, qu'aurais-je pu demander de plus, afin que nous chevauchions vers son pays. Et ma sœur Kriemhild m'a aussi envoyé ses invitations. Je vous donnerai un conseil, dit Hagen. Priez le seigneur Dietrich et ses bons chevaliers de vous mieux expliquer quelles sont les intentions de dame Kriemhild. » Ils se mirent à parler entre eux, les trois puissants rois, Gunther, Gernot et le sire Dietrich. « Maintenant, dites-nous, noble et bon chevalier de Vérone, comment vous avez connu les dispositions de la reine ?» Le seigneur de Vérone parla. « Que vous dirais-je ? J'entends chaque matin la femme d'Hetzel pleurer, les sens perdus, et se plaindre au Dieu du ciel de la mort du fort Siegfried. » « Maintenant, nous ne pouvons éviter les dangers dont vous nous parlez, » dit l'homme hardi. « Volker, le joueur de viol et moi, nous irons à la cour, et nous verrons bien ce qui peut nous arriver chez les Jonen, à nous, guerriers agiles. » Les intrépides Burgondes chevauchèrent vers la cour. Ils s'avancèrent magnifiquement, suivant la coutume de leur pays. Maints braves guerriers parmi les Jonen admiraient la prestance et l'armure d'Hagen de Trondheim. Comme on faisait le récit, ils circulaient partout, qu'il avait tué Siegfried du Niederland, le plus fort de tous les hommes, l'époux de Kriemhild. On s'interrogeait beaucoup touchant Hagen. Ce héros était bien fait, cela est certain. Il était large d'épaules, ses cheveux étaient mêlés d'une teinte grise, ses jambes étaient longues, son visage effrayant, sa démarche imposante. On installa les chefs burgondes dans leur logement. La suite de Gunther fut éloignée d'eux. C'était un conseil de la reine qui lui portait une violente haine. Il en résulta que plus tard on égorgea les serviteurs dans leur logis. Dankwart, le frère de Hagen, était maréchal. Le roi lui recommanda instamment sa suite, afin qu'il en prît soin et qu'il lui donnât à profusion ce dont elle avait besoin. Le héros des Burgondes leur portait à tous un cœur dévoué. Kriemhild, la belle, alla, suivie de ses compagnes, recevoir les Nibelungen avec une âme fausse. Elle baisa Giselher et le prit par la main. Voyant cela, Hagen de Trondheim attacha plus fortement son casque. « Après de semblables salutations, » dit Hagen, « de rapides guerriers peuvent bien prendre souci. On salue différemment le roi et ses hommes liges. Nous n'avons pas fait un heureux voyage en nous rendant à cette fête. » Elle dit, « Soyez le bienvenu pour ceux qui vous voient volontiers. Moi, je ne vous salue pas pour l'amitié que vous me portez. Dites-moi, que m'apportez-vous de Worms, d'Outre-Rhin, pour que vous soyez tellement le bienvenu pour moi ?»« Que signifient ces paroles ?» répondit Hagen. Est-ce que les guerriers doivent maintenant vous apporter des présents? Je vous savais très riche, si j'ai bien compris ce qu'on m'a dit, et c'est pourquoi je n'ai pas apporté avec moi en ce pays de présents pour vous. Eh bien, maintenant, vous m'en direz davantage. Le trésor des Nibelungen, qu'en avez-vous fait? Il m'appartenait, vous le savez très bien. Voilà ce que vous auriez dû m'apporter ici, au pays d'Etzel. En vérité, madame Kriemhild, il y a bien des jours que je n'ai visité le trésor des Nibelungen. Mes maîtres m'ordonnèrent de le couler dans le Rhin, et là il doit rester jusqu'au dernier jour. La reine reprit. Je l'avais bien pensé. Vous ne m'avez rien apporté en ce royaume de tous ces biens qui étaient à moi et dont je disposais, et à cause de cela, j'ai eu grande affliction et maintes sombres journées. Je vous apporte le diable, dit Hagen. Je suis assez chargé de mon bouclier, de ma cotte de maille, de mon haume brillant et de mon épée en ma main. Voilà pourquoi je ne vous apporte rien. Je ne parle pas de la sorte parce que je désire plus d'or. J'en ai tant à donner que je puis me passer de vos dons. Un meurtre et deux vols commis à mes dépens, voilà ce dont moi, infortuné, je voudrais recevoir satisfaction. Alors la reine s'adressa à tous les guerriers. On ne portera aucune arme dans la salle. Vous, héros, vous me les remettrez. Je les ferai bien garder. Par ma foi, dit Hagen, il n'en sera point ainsi. Non, douce fille de roi, je ne désire point cet honneur que vous portiez au logis mon bouclier et les autres pièces de mon armure. Aussi vrai que vous êtes une reine, mon père ne m'apprit pas cela. Je veux être mon propre camérier. Hélas, ô douleur, dit dame Kriemhild, pourquoi mon frère et Hagen ne veulent-ils pas donner à garder leur bouclier? Ils sont prévenus. Si je savais qui l'a fait, je le vouerais à la mort. À ces mots, le seigneur Dietrich répondit avec colère. C'est moi qui ai averti ces riches et nobles princes et l'audacieux Hagen, le guerrier burgonde. Mais, femme de l'enfer, vous ne m'en ferez pas porter la peine. La femme d'Etzel fut saisie de confusion. Elle craignait grandement Dietrich. Elle le quitta aussitôt sans dire un mot, mais elle lança sur ses ennemis des regards furieux. En ce moment, deux guerriers se prirent par la main. L'un était le seigneur Dietrich et l'autre Hagen. Le héros très magnanime parla courtoisement. « Votre arrivée chez les Yunen m'afflige véritablement, parce que la reine vous a parlé de la sorte. » Hagen de Troneille répondit. « Nous aviserons à tout cela. » Ils s'avancèrent chevauchant côte à côte, ces deux hommes vaillants. Ce que voyant, le roi Etzel se prit à interroger. « Je voudrais bien savoir, dit le roi très puissant, quel est le chef que le sire Dietrich a reçu là si amicalement. Il porte le cœur haut, quel que soit son père, il est certes un bon guerrier. » Un des fidèles de Kriemhild répondit au roi. « Il est né à Troneil. Son père se nomme Aldrian. Quelque gracieusement qu'il se comporte, c'est un homme terrible. Je vous ferai bientôt remarquer que je ne vous ai pas menti. »« Comment connaîtrais-je qu'il est si terrible ? » dit le roi. Il ignorait encore tous les pièges cruels dans lesquels la reine entraîna depuis ses parents, au point qu'elle n'en laissa pas un sans retourner de chez les Yunen. Je connais bien Aldrian, car il fut mon homme liege. Il s'acquit ici près de moi gloire et grand honneur. Je le fis chevalier et lui donnai mon or. Comme il m'était fidèle, je lui devais être attaché. C'est pourquoi je connais tout ce qui regarde Hagen. Deux beaux enfants étaient en otage chez moi, lui et Walter d'Espagne. Ici, ils devinrent hommes. Je renvoyai Hagen en sa patrie. Walter s'enfuit avec Eltegund. Il se remémorait ainsi des faits qui s'étaient passés autrefois. Il revoyait son ami de Troneil, qui, dans sa jeunesse, lui avait rendu de grands services. Bientôt, en sa vieillesse, Hagen lui tua maint ami très chéri.